J'suis arrivé en HP à l'âge de 16 ans. J'suis shooté par ces tonnes de médicaments. Que j'vogue à droite, que j'vogue à gauche, toujours les mêmes galères. Les blouses blanches, une plaque face contre terre. C'est là qu'un psychopathe s'approche de Nika prend vers moi une dégaine de tox, des traces de piqûres sur les bras. Les infirmières ont peur, elles s'en approchent même pas. C'est clair que ce gars a dû faire des dégâts. Petit, moi j't'ai jamais vu ici, t'as l'air terrorisé. Dis-moi ce qui t'arrive, on m'appelle Akan, Akan le cannibale. Mais t'inquiète, je mange aussi de la chair animale. À l'âge de 5 ans, j'ai dévoré une migale. Le goût de l'inédit a rongé mes amygdales. Depuis, j'suis en kiff sur les viandes malsaines, des espèces protégées jusqu'à la viande humaine. Alors je suis parti, je continue mon chemin à travers l'hôpital psychiatrique. C'est dur d'être enfermé car tu n'as plus liberté. Je veux pas finir comme eux, encore moins y rester. Je réfléchis, je pense à ma bien-aimée, au bon moment qu'avec elle j'ai passé. Mais je profite car dans 10 minutes ce sera l'heure, ma dose de tertion qui me fera l'oublier. Qu'est-ce qu'il faut là? T'as pas vu le panneau interdit au chocolat? On veut pas de koala dans le secteur 3. Sinon, on va tous vous couper le crâne avec des bouts de bois. Je ne suis pas Pikachu, où est ta Pokéball? Je vais te manger les couilles avec un couteau suisse. J'ai renversé la malle. Je suis le gros pénis qui va niquer ta compagne. Je me retrouve désorienté, ce liquide vert a remplacé tout le mal de mes pensées. Je ne sais pas par quel moyen je me suis retrouvé dans le secteur des crimes malsains et des grands assassins. J'essaye de retrouver ma chambre, mais c'est difficile ici car tous les endroits se ressemblent. L'atmosphère est perfide et entre tous ces murs blancs, je m'y perds vite. Je tombe sur ce médecin et demande avec confiance mon chemin. Attends, je vais te montrer le chemin. Gauche, à droite, encore à droite, c'est l'enfantin. Ensuite, tout droit, on passe devant les cannibales et les tueurs malades. Tu l'as buté un flic par balle. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Fais pas attention aux psychopathes de toutes sortes. Voilà ta chambre, tu sens cette odeur de chanvre. Mais pourquoi t'as peur? Tu sens pas encore la douleur.